de joueurs, tant de joueuses de flux. Pas de franchise, pas de parachute pour amortir la chute. Pas de panique, on en parle même. J'aime tant mon cœur bat fort sur ce thème. Garde tes ennuis loin de moi, j'ai mes problèmes. S'ils t'ont fait du mal et que tu caches ta peine, non pas que ça me convienne mais casse la tienne. On jette nos sentiments, pas tu auras des hyènes. Arrête de forcer la voix pour corser la vague. C'est hardcore, c'est la vie quand je dis les ports, c'est la vague. Une maison de ce que dit, ouvre les deux ports, c'est l'arnaque. Je sais ce que je dis, crois-moi. Les rats, on t'écale, ça fait longtemps qu'ils ont compris que la galère paie mal, la vie est dure nous aussi. Les problèmes, les sirènes, tout ça nous poursuit. Tous les chemins mènent à la mort, j'ai pris des raccourcis, des parts. Y'en a jamais plus de 3 pour 6. Y'a des démons qui te témoignent la tête, qui te courtisent. Pas la première ni la dernière fois que l'on sera déçu. Tu ne verras pas tomber des nues, toujours un proche qui te descend. Je vais pas te faire un dessin, tu vois des trucs dans la vie. Crois-moi, c'est indécent, ici bas. Ça sent l'ammoniaque, y'a pas de franchise quand ça vend la mot diable. Tant de joueurs, tant de joueuses de flux. Franchise, pas de parachute pour amortir la chute. Pas de panique, on en parle même. J'aime tant mon cœur bat fort sur ce thème. Garde tes ennuis loin de moi, j'ai mes problèmes. S'ils t'ont fait du mal et que tu caches ta peine, non pas que ça me convienne mais casse la tienne. On jette nos sentiments, pas tu auras des hyènes. Y'a plus de confiance dans le réservoir, tu veux de la rancune sur la table, un stylo chargé d'amertume. Faut-il que je continue pour me sentir mieux? Ou est-ce que tout le monde finit par décevoir dans ce milieu? Choisit-on ce qui est important, ce qui ne l'est pas? Je me retrouve si souvent dans le pot de vin, malgré de bonnes résolutions, de bonnes intentions. On cherche ta faille pour te la mettre profond. Suis-je à ce point naïf, la confiance en solde? Comprends mec, maintenant je trace comme Usain Bolt. Beau projet en perspective, un mot gentil pour les enfants, punaise. Encore un charmeur de serpent. Des fois je me dis plein le cul de cette vie de merde. Puis ça repart comme en 40 mec, j'aime pas perdre. Peut-être que c'est mort, que ça sent la raclette, que les lanternes rouges feront la course en tête. Tant de joueurs, tant de joueuses de flux. Pas de franchise, pas de parachute pour amortir la chute. Pas de panique, on en parle même. J'aime tant mon cœur bat fort sur ce thème. Garde tes ennuis loin de moi, j'ai mes problèmes. S'ils t'ont fait du mal et que tu caches ta peine, non pas que ça me convienne mais casse la tienne. On jette nos sentiments, pas tu auras des hyènes. Un poteau ne laisse jamais des pauvres comptes détruire. Laisse-les parler, c'est les jaloux qui vont maigrir. Moi je tape du poing sûr, la table, touche pas mon joint pur. Bâtard, je me serre la ceinture. Ma caille, la vie est déjà bien dure. Crois-moi, je préfère la chanter, plus rien à foutre dans les bars. Je trinque à ma santé, je regarde le foot dans les tant bars. Tant de joueurs, tant de joueuses de flux. Pas de franchise, pas de parachute pour amortir la chute. Pas de panique, on en parle même. J'aime tant mon cœur bat fort sur ce thème. Garde tes ennuis loin de moi, j'ai mes problèmes. S'ils t'ont fait du mal et que tu caches ta peine, non pas que ça me convienne mais casse la tienne. On jette nos sentiments, pas tu auras des hyènes.